mon chat, mon petit chat, mange des crèmes dessert. Il lèche l'opercule pour récurer bien à fond. Il gesticule, miaou, que c'est bon, miaou.